Je penche sur le mot actualité. Qu'est-ce que veut dire le mot actualité? Pour le micro Robert que j'ai entre les mains et qui date de 1992, actualité, petit 1, caractère de ce qui se rapporte à l'époque actuelle. Souligner l'actualité d'un problème, ce livre n'est plus d'actualité, il est dépassé. Petit 2, ensemble des événements, des faits tout récents. S'intéresser à l'actualité politique, sportive. Bon ben moi j'entends politique, politique égale le vivre ensemble quoi, vous voyez, donc l'actualité du vivre ensemble est bien plus large que celle de la politique au sens des partis, d'accord? Petit 3, les actualités, informations, nouvelles du moment, dans la presse et surtout en images. Actualité télévisée, le journal. En tous les cas, ce que je retiens, c'est que je dois être au présent, à l'actu, en avant, au courant. Cela donne une actu qui n'est pas à l'actu. La justice belge dépense 22 millions d'euros en timbres postaux par an. Ben, en lettres, hein, en colis, recommandés, envois internationaux, ce sont des coûts d'un autre temps, alors qu'il y a assez d'alternatives numériques, estime le député fédéral Vincent Van Quickenborn. La justice doit tourner la page, enfin se mettre à la page honnête. Et quand on parle de tourner, eh bien, le rond-point, sujet très actu, je dirais même très tendance, hein, pas toujours évident de comprendre un rond-point, à quoi sert-il? Qu'est-ce qu'il fait là? Dans mon village, par exemple, il y a plusieurs ronds-points qui n'ont aucune utilité. Hein. Absurde, vous verriez la situation. Je ne tourne même plus autour, il n'y a pas besoin. Je vais en ligne droite. Alors, l'approche au niveau du rond-point. Donc, je vois le rond-point. Dans un premier temps, je freine et je rétrograde. Troisième, moi, je conseille plutôt la deuxième. Je conserve mon pied sur le frein en regardant à gauche, je vois qu'il y a des véhicules. Dès que j'ai compris que les véhicules ne venaient pas vers moi, l'important, c'est de réaccélérer afin de ne pas traîner. Donc, de manière générale, au niveau des approches, ce qui est important, c'est d'avoir pris sa décision, en fait, environ 3 à 4 mètres avant le rond-point. Ce qui est important, c'est d'avoir pris sa décision, en fait, environ 3 à 4 mètres avant le rond-point. Et pas dans le rond-point, évidemment, sinon il y a un risque que la tête, elle aussi, se mette à tourner.